Écoute ma replay, tant pas qu'il te faut pour piger. Toi prends tes dix, toi essaie mes filles. Toi bouge bien, mais toi t'es resté figé. Cesse d'encaisser, de te baisser. Dis-toi assez d'être blessé. Plus maiguisé pour les traumatiser. Si tu te sens visé, c'est que t'es visé. Le beat tout seul te calme. Tout le monde sur la piste quand c'est calme. Qui peut poser sur ce track de filles qui compte. Essayer de faire mieux que Wham. C'est une nouvelle école, cascade de domino, les MC vol. C'est que le départ qui m'aime me suit l'école. J'ai pas l'intention de changer mon fusil d'épaule. Moi j'ai l'habitude de donner que la qualité. J'ai commencé depuis le début des années 90 et je reste validé. Quelqu'un, ce gars il est fou, ce gars il est malade. Ne viens pas dans ce domaine. Quelqu'un, si t'as pas de technique, y'a de malade. Kill it. K.A.M, je ne veux pas te blame dans mon best MC. Y'a pas de haine, mais si au fond tu l'aimes, dis-lui de rester assis. Qui seront les danseurs, qui seront décortiqués le schéma de mon phrasé. Surpris par cet esprit, cette face de frapper. Tout comme un accompli, j'avance avec un office que j'ai commis. Au fond, je l'ai promis, t'en as trop dit, j'ai repris le croupis. Et j'en profite pour sortir la pépite. Je n'ai jamais atteint mes limites quand ça kick. Tu peux dire à tous tes geeks, c'est ici que ça clique, c'est cyclique. J'ai un déclic, classic shit. Fais galérer les répliques quand je fais du sale, délicat chic. On m'a dit stop, les reviens pour écarter les mauvais qui pensent tout déchirer. Ils n'oublieront jamais qui t'es. Quelqu'un, ce gars il est fou, ce gars il est malade. Ne viens pas dans ce domaine. Quelqu'un, si t'as pas de technique, y'a flot de malade. Kill it. MC, le rendez-vous est ici, son volume unique à plusieurs, je ne fais pas de polygamie. Entraînement général de l'ennemi, alors qu'il me suffit d'une feuille, je les plie origami. Je fais des katas sur la scène, mon tatami. La concurrence est bonne, tu la baisses en tant qu'ami. Kill it, cam, je veux que tu te prends la tête alors que là je n'ai pas tout mis.